mes impatiences, mes excès, mes urgences, toutes mes certitudes, celles qui m'ont fait douter, toutes mes habitudes, lentement ont changé. J'en souris aujourd'hui, je ne suis plus un homme pressé. Toutes mes exigences, mes combats, mes défiances, ces parfums mélangés de femmes et de fumée, ces étranges passions, demain d'autres à ma place viendront et feront face. Pour les provocations, je ne suis plus un homme pressé. Cette course au bonheur qui m'a brisé le cœur, ces mariages éclatés qui se sont succédés, ces plaisirs dérisoires de se perdre en victoire, sont partis en fumée. Je ne suis plus un homme pressé. Comme on ne sait jamais de quoi demain est fait, pour retrouver l'envie, la même que j'ai suivie, je reprendrai ma place et puis je ferai face. Mais l'heure n'a pas sonné, je ne suis plus un homme pressé.